Toujours en Corée du Sud, un homme de presse a publié le 15 courant dans le site d'internet un écrit titré « Abba Pakune ». En outre, un élève de la deuxième année de l'école secondaire a affiché un écrit dénonçant les crimes de Pakune sur le panneau d'affichage de la Maison Bleue.